Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Voilà une bien étrange expérience que nous décrit dans sa chronique le franciscain Salome Bene de Haddan, un moine installé à Palerme en Italie, c'est au XIIIe siècle. Il nous raconte que Frédéric II, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, est curieux de connaître quelle langue parlerait naturellement un enfant, c'est-à-dire sans aucune éducation, sans même prononcer un seul mot, sans rien entendre, jamais. Des nouveau-nés sont choisis, les nourrices ont l'ordre absolu de ne pas leur parler et les enfants doivent grandir ainsi sans entendre de paroles humaines. Dès lors, quels mots vont sortir de leur bouche? Seront-ils en latin, en grec, en hébreu et pourquoi pas en arabe? L'expérience n'est pas concluante. La chronique raconte que les enfants meurent tous les uns après les autres sans avoir prononcé un seul mot. Frédéric II, souverain cultivé, il parlait 9 langues. Dit-on, devait être fort déçu. En a-t-il conclu que l'absence de langage conduit à la mort? Ça non plus, la chronique ne le dit pas. Il est certain cependant que Frédéric II aurait été attiré, fasciné par les cas des enfants sauvages, ces enfants sauvages qui nous intéressent aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Toute la semaine dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à une histoire de la transmission des savoirs. Et oui, comment se transmet le savoir? Et aujourd'hui, une forme très particulière de transmission des savoirs, c'est comment apprendre à quelqu'un qui ne sait rien. C'est le cas des enfants sauvages, les enfants sauvages qui ont produit une immense littérature. Oui, mais peut-être moins d'études sérieuses que celles que vous proposez aujourd'hui. Hervé Mazurel, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Alors Hervé Mazurel, vous nous proposez ce Caspar l'Obscur ou l'Enfant de la Nuit. C'est publié par La Découverte. Dites-nous, cet enfant de la nuit, Caspar Hauser, est un personnage très connu. Il y a des publications gigantesques autour de lui. Oui, c'est un personnage devenu légendaire, hein, une espèce d'obsession européenne depuis à peu près 2 siècles. Hein. Il y a peut-être 1500 articles, 300 livres sur son cas. Hein, et voilà, notamment parce qu'il reste une énigme que tout le monde a envie de percer, que je ne perce pas, je vous l'annonce tout de suite. Hein, mais parce qu'on ne sait pas qui l'a séquestré. Enfin, d'abord, de quelle famille il provient, de quelle famille il a surgi, qui l'a séquestré ses 12 ou 13 ou 14 ans. Qui l'a tué, enfin, parce qu'il meurt assassiné le 18 décembre 1833. Voilà, donc toute cette série d'énigmes hein, a sans doute été très important dans la production livresque. Dans la production livresque. Parce que vous, bah oui, votre démarche est complètement différente, Hervé Mazurel. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Vous êtes l'un des fondateurs et animateurs de la revue Sensibilité, une revue formidable, hein, histoire, critique et sciences sociales, publiée par Anna Moussa. Et donc, dans ce Gaspard Mazurel, vous vous attaquez à un sujet que l'on trouve souvent un peu dans les gazettes, hein, l'enfant sauvage avec des titres à sensation. Et pourtant, en lisant les premières pages de votre livre, on est tout de suite embarqué, hein, parce que vous racontez ce qui s'est passé. Emmenez-nous, s'il vous plaît, à Nuremberg le 26 mai 1828. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette surgit ce jour-là, c'était un lundi de Pentecôte, la ville était à Nuremberg, la ville était déserte, la plupart des habitants étaient allés se promener ce jour-là, mais a surgi un étrange adolescent très bizarrement accoutré qui tenait à peine debout, ne faisait pas un pas devant l'autre, clignait des yeux en permanence, il était très gêné par la lumière du jour, et deux maîtres cordonniers qui étaient restés dans la ville, qui discutaient, ont aperçu ce personnage, quelle est cette créature totalement toquée, Et ils vont à sa rencontre et puis ils repèrent qu'il a une lettre dans les mains, hein, et donc ils s'en saisissent, ils l'ouvrent et la lettre demande hein, que cet enfant soit mené à un capitaine de cavalerie et intégré à un régiment de chevaux légers qui était à Nuremberg. Et cette lettre arrive dans les mains de ce fameux capitaine qui ne sait pas quoi faire de ce voyageur insolite. On a compris sur le chemin qu'il ne savait pas marcher, hein, il était vraiment désarticulé, hein, il savait à peine marcher. Il avait ne savait pas dire d'où il venait, ni où il allait. Il avait une soixantaine de mots en bouche, à tout casser. C'est ce qu'on a compris plus tard. Hein, il a vraiment... et du coup, ce capitaine le renvoie au poste de police. Et là encore, il ne peut pas répondre aux questions d'usage. Il répond à toutes les questions qu'on lui pose. Je ne sais pas. Ou parfois, cette phrase étrange, hein, je veux devenir cavalier comme mon père l'a été. Voilà. Voilà, les policiers épuisés, au bout d'un moment, se disent, bon, bah, certains le prennent pour un idiot, d'autres pour un demi-sauvage, certains se disent, ça doit être un imposteur, c'est très étrange. Et l'un a l'idée de lui mettre une plume entre les mains et un papier, et il finit par écrire son nom, ce qui va rester son nom pour ses jusqu'au bout, hein, Caspar Hauser, mais d'une plume extrêmement tremblante. Voilà. Et ça commence comme ça. Alors vous, Hervé Mazurel, historien des sensibilités, des imaginaires, vous avez là ce qui fait la clé du récit. Et en soi, déjà, vous avez un objet historique. Parce que vous avez mis en place tous les éléments du mystère. Il y a la lettre, il y a cette phrase étonnante, je voudrais être cavalier comme mon père. Tout est là. Mais l'existence même de ce personnage est peuplée de ces éléments. Écoutez, c'est incroyable, on dirait que c'est écrit pour être ponctué un peu comme ces romans feuilletons qui plaisaient tant au XIXe siècle. Il y a tout dedans, parce que il y a des difficultés à intégrer ce jeune garçon, mais il a une existence folle parce que il survit à des tentatives d'assassinat. Enfin, il y en a une à laquelle il survit pas, et évidemment, c'est la dernière. Oui, c'est une trajectoire d'abord tragique, hein, funeste, terrifiante que celle de Caspar Hauser, parce que finalement, il ne va entrer dans le monde qu'à l'âge de 16 ou 17 ans. Hein, il va découvrir tout d'un coup un monde social dont il n'a aucun code. Il ne sait pas se repérer dans le monde dans lequel il surgit. Et c'est une expérience inouïe, paroxystique, que cette entrée dans le monde. Et puis, suite à cela, et voilà, juste 5 ans d'existence, hein, avec pour le coup un trajet éducatif dont on va sans doute parler. Très étonnant, il a fait de très rapides progrès en lecture, en écriture, il a appris le langage, à calculer aussi, et il a même pu commencer une autobiographie, hein, et puis une première tentative d'assassinat qui le perturbe beaucoup parce qu'il ne pensait pas qu'on pouvait lui faire du mal, il n'avait aucune idée du mal, du bien et du mal d'ailleurs, hein, en 1829, cette tentative le perturbe énormément, et puis il sera finalement tué, et par on ne sait qui là encore, hein, on ne sait pas qui a fait la première tentative d'assassinat, et on ne sait pas qui l'a tué véritablement. En décembre 1833. Donc c'est une trajectoire, une existence éclair, hein, une vie toute minuscule. Voilà. Mais je vois derrière, je crois, un cas majuscule pour l'histoire et pour les sciences sociales. Mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion. Ah bah, on va en parler, Hervé Mazurel, parce que c'est ça qui est passionnant. C'est qu'à partir du récit que vous venez de faire, ce récit qui intrigue, qui a intrigué les gens du 19e siècle, qui nous intrigue aujourd'hui, il y a plusieurs fils à tirer. Il y a celui que l'on va retrouver dans une forme de littérature qui est complètement honorable, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qui était-il? Pourquoi? On peut régler d'ailleurs le problème. Qui était-il? Donc déjà, avant de surgir à Nuremberg en 1828, c'est un enfant qui avait été enfermé, a priori. Oui, on l'a reconstitué petit à petit, mais parce que à partir du moment où il a appris à parler, on l'a poussé à tenter de se souvenir. Et puis les médecins aussi, il y a beaucoup d'expertises médicales qui sont faites. Et on comprend qu'il a été séquestré. Hein, on ne sait pas combien de temps, mais il semblerait qu'il ait été séquestré très tôt, autour de 2 ou 3 ans. Hein, et il avait des déformations physiques. D'abord, il était de toute petite taille. Hein, il a pris 20 cm en l'espace de 3 ans. Ses dents de sagesse se sont mis à pousser. Il avait des déformations au niveau des genoux. Il semble avoir été séquestré assis, tout le temps, et attaché. Hein, et ce qui est très surprenant, c'est qu'il semble avoir vécu seul à seul, hein, dans un espèce de huis clos de solitude, parce que son geôlier, hein, ne lui laissait à manger et à boire la nuit, hein, essentiellement du pain et de l'eau. D'ailleurs, il n'acceptera de manger que du pain et de l'eau pendant plusieurs mois. Il n'arrivera pas à s'accoutumer à une autre nourriture. On le changeait en l'abrutissant d'opium, hein, et du coup il n'a pas vu âme qui vive pendant toutes ces années, hein. C'est vraiment une expérience de solitude extrême, l'expérience la plus désocialisante possible, hein. Voilà, et donc voilà ce cachot, et puis cette sortie en 1828, voilà, qui était inouïe, que, voilà, inouï, ouais, c'est ça, mais ouais. C'est vrai, hein, quand on lit ce cas-là, c'est inouï, et dès lors, sur ce qui est inouï et mystérieux, viennent se greffer des mystères et des tentatives d'explication, et ça aussi, on peut régler la question dès maintenant, dans le cours de l'histoire, c'est-à-dire à ce moment-là du cours de l'histoire, non pas régler la question de Caspar Hauser, parce que il n'y a pas vraiment de réponse. Parmi les hypothèses les plus souvent avancées, c'est que Caspar est un prince, en fait, qui aurait été écarté dès son plus jeune âge. Oui, alors, on connaît la fin de l'histoire au sens où on sait qu'il meurt, hein, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire et peut-être ne l'aura-t-on jamais. Hein, et j'ai pas voulu trancher cela parce que d'abord, on n'en a pas les moyens archivistiques, semble-t-il. L'hypothèse néanmoins la plus, alors certains ont dit voilà c'est un bâtard, c'est une servante qui a eu un fils avec les soldats au moment des guerres napoléoniennes, au moment de la guerre de libération allemande. D'autres ont cru vraiment à l'hypothèse de l'imposture. Je peux peut-être en dire un mot, c'est-à-dire que voilà il y a très vite, hein, y a aussi un courant qui dit ouais, c'est un imposteur, un très habile imposteur. Un détective privé de Berlin fait courir ce bruit-là, et puis ça se propage hein, jusqu'à aujourd'hui. Et puis en même temps, moi ce que j'ai cherché à montrer, c'est que tous ceux qui l'ont vu de près, parce que ce fameux détective ne l'a pas vu, ne l'a pas rencontré, tous ceux qui ont passé du temps, ses tuteurs, ses éducateurs, tous les pédagogues qui l'ont entouré et qui ont laissé des centaines et des centaines de pages, hein, nous montrent bien qu'on a on voit en lui les traces de cette catastrophe au long cours, cette catastrophe silencieuse. C'est-à-dire que on voit sa séquestration dans son corps, dans la manière dont il ne peut pas s'alimenter. On voit aussi les traces sensorielles, puisqu'il a une sensorialité totalement inouïe, non façonnée par la culture environnante. Il a des vides affectifs très troublants. Il ne sait pas ce qu'est une famille, il ne sait pas ce qu'est un père, une mère, etc. Il ne sait pas non plus... Il a des traumatismes au long cours, hein, le fait de la séquestration, de la séparation, de l'abandon, etc. Donc tout ça, pour moi, fait preuve. Voilà, les traces sont là, dès lors qu'on vient les lire au plus près des témoignages des éducateurs et des pédagogues, tout ça. Voilà, et donc l'hypothèse de la posture, je la mets de côté. Pour moi, il était bien trop étrange pour être un imposteur. C'est la conclusion à laquelle j'arrive. Et l'hypothèse qui me semble la plus probable, mais là encore, voilà, c'est de l'ordre de la probabilité, de la vraisemblance, mais ce n'est pas un fait certain, c'est en effet qu'il ait été un prince écarté du trône, enfin, du grand-duché de Bade. C'est l'hypothèse qu'a avancé Feuerbach, qui était un très grand criminaliste et qui, lui, l'a côtoyé de très près pendant toutes ces années. Il semblerait qu'il ait, voilà, qu'on ait cherché, un peu, c'est une histoire un peu oedipienne, à le mettre de côté pour qu'il n'accède pas au trône. Il avait des marques de vaccination sur le corps. On a longtemps, alors à l'époque, les marques de vaccination sont un signe de distinction sociale. Enfin, c'est dans certaines franges de la population qu'on se vaccine. Mais voilà, donc c'est un signe a priori de son appartenance à la haute société. Mais en même temps, voilà, on ne peut pas être certain. On a fait des tentatives d'ADN en 1980, d'expertise ADN en 96 et en 2002, et qui donnent des résultats contradictoires. La première a été faite sur sa chemise tachée de sang, enfin sur ce qu'on pense être la chemise tachée de sang qu'il portait le jour de son assassinat. L'équipe dit, il n'y a pas de lien avec la famille du grand-duché de Bade. 6 ans plus tard, on refait une expertise à partir de ses cheveux et on conclut l'inverse. Voilà, pour vous dire que... Et donc ça a fait beaucoup de bruit, c'était la une du Spiegel, etc. Donc c'est vraiment une histoire qui continue de nous hanter, où tout le monde espère en finir une bonne fois avec ce mystère-là, et ce qui n'est pas mon cas. Non. Je suis adapté à cette incertitude et voilà, je pense qu'il y a d'autres choses à en dire. Ah oui, largement. Hervé Mazurel, d'ailleurs, c'est peut-être mieux qu'il y ait du mystère en histoire, et vous le dites bien, sur l'hypothèse du prince, c'est assurément une des hypothèses les plus plausibles. Mais là, nous sommes, quand vous écrivez ça, à la page 41 de votre livre, c'est-à-dire que le sujet du livre n'est pas de décrypter, et c'est ça qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, parce que il y a ce Caspar Hauser, personnage réel à étudier, personnage qui conduit évidemment à la fiction, et c'est en ça aussi qu'il est intéressant. Exemple pour la fiction, avec le film en 1974 de Werner Herzog, L'énigme de Caspar Hauser. Qu'y a-t-il, Caspar? Qu'est-ce que tu as? Ça me frappe fort dans la poitrine. La musique frappe fort dans la poitrine. Maintenant, je me sens vieux. Mais Caspar, il y a si peu de temps que tu es au monde. Tout est encore devant toi. Pourquoi tout est si difficile? Pourquoi je ne peux pas jouer du piano comme je respire? Sois patient, Caspar, et reconnais que durant les 2 ans qui ont passé depuis que je t'ai accueilli, il y a bien des choses que je t'ai enseignées. Tu as beaucoup à apprendre. Tu as commencé très tard ton éducation, parce qu'avant, tu n'avais jamais vécu parmi les hommes. Pour moi, les hommes sont comme des loups. Il ne faut pas dire cela. Regarde le jeune Florian qui loge chez nous. Depuis qu'il a eu le malheur de voir périr toute sa famille, il est aveugle et il ne se plaint pas. Il passe ses journées à jouer du piano, même s'il ne joue pas tout à fait comme il le faudrait. Un extrait du film de Werner Herzog, L'énigme de Caspar Hauser. Hervé Mazurel, voilà, nous avons un personnage qui a vécu, nous avons un personnage qui a vécu mais une vie incroyable, nous avons un personnage qui est devenu personnage de fiction, et puis, malgré tout, c'est est un cas historique intéressant au-delà de l'énigme. Et vous, historien des sensibilités, comment avez-vous appréhendé ce cas d'enfant sauvage ? Alors, je dois dire d'abord que c'est un cas limite, hein. C'est au sens où, à son époque, déjà, on a l'impression qu'il est venu d'une autre planète, où là, il sort de la caverne de Platon, hein, et voilà, c'est vraiment, on pourrait croire à un conte philosophique des Lumières, façon un peu Micromégas, ou c'est pas une suite de songes, ou ça aurait fait une très bonne nouvelle fantastique pour Borges, je pense aussi. Voilà. Et pourtant, ça a été bien un être de chair et d'os, hein, et qui avait, qui a eu une expérience du réel totalement, qui peut-être irréductible à tout autre. Et ce qui m'a évidemment, moi, ce qui fait l'objet du livre pour moi, c'est ce moment de bascule, hein, où il sort de cette nuit totalement insondable, de ses 13 ou 14 ans passés seul à seul dans son cachot. Il sort et il découvre ce monde dont il a été complètement coupé. D'abord le monde de la nature, hein, ce qu'on appelle la nature, et qui donc il est pris de vertige. Il n'a aucun symbole pour se repérer. Toutes les impressions du monde, toutes les sensations, il est face à un monde indéchiffrable et immense, espèce de chaos, hein, qui le bouleverse et qui l'épuise absolument. Et donc c'est très intéressant pour l'historien des sensibilités, bien sûr, hein, de savoir que il n'a pas sa sensibilité n'ayant pas été façonnée. Il ne peut pas faire face, il n'y a pas le tamis d'une culture pour faire face à cet événement. Hein. C'est comme s'il était né une seconde fois au monde à l'âge de la pleine conscience. Hein. Je prends ici l'expression de Jean-Christophe Bailly que je trouve très, très juste. Et puis après, il va entrer dans le monde social, un monde social bigarré, complexe, mouvant, très bruyant aussi. Il était habitué à vivre dans un monde de silence, d'obscurité, dans le vide en fait. Hein. Et tout d'un coup, c'est un monde plein. Hein, avec une ronde de gens qui tournent autour de lui, qui lui posent des questions. Il est le premier mois, il est placé dans une prison pour vagabonds. Alors il ne sera pas vraiment prisonnier, plus une curiosité, mais il y a beaucoup de gens qui tournent autour de lui. Et puis des gens de toutes les conditions. Il y a évidemment des savants, des pédagogues qui viennent de toute l'Europe. On va l'appeler l'orphelin de l'Europe. Donc tout le monde veut voir ce cas extraordinaire. Hein, mais ce qui est fascinant pour l'historien des sensibilités que je suis, c'est justement de travailler sur ce corps, hein, si dissonant, si étrange. Hein. Il ne savait pas lever une jambe sans tomber. Il ne savait pas prendre les objets normalement. Il ne savait pas se tenir droit. Hein, et voilà, par exemple, de développer aussi tout ce qui est l'aspect de sa sensorialité incroyable. Il voyait vraiment dans l'obscurité. Il y a eu plein d'expériences avec plusieurs personnes. Hein. C'est pas seulement un seul éducateur. Il y a eu beaucoup d'expériences. Il voyait très bien la nuit. Hein. Il s'orientait très aisément dans les maisons, à l'extérieur la nuit. Il pouvait voir des étoiles que personne n'arrivait à voir. Il avait aussi une hyperacousie. Hein. Il avait tellement vécu dans le silence que, en fait, il entendait des pas de très loin. Il avait une olfaction très étrange aussi. Plusieurs des témoins disaient, il habitait pas très loin, à ses 500 mètres d'un cimetière. Et il disait sentir l'odeur des morts récemment enterrés. Et enfin, dernière chose, un peu du point de vue de la sensorialité totalement dingue, c'est ça, une sensibilité aux métaux, semble-t-il, qui était très... très, très, très étrange. Hein. Voilà, on a fait l'expérience de lui placer des aimants en face de lui, à un mètre, et il sentait s'il était repoussé ou s'il était au contraire attiré. On a du mal un peu à y croire. Hein. Moi-même, j'ai résisté pas mal de temps avec ça. Et puis, il y a tout le pan de l'affectivité, des émotions qui n'étaient pas façonnées non plus, qui n'étaient pas façonnées par le milieu ambiant. Donc, il avait une versatilité des émotions incroyable. Il passait du rire aux larmes d'une seule haleine, en quelque sorte. Hein. Il n'avait pas les codes de comportement. Ses expressions émotionnelles étaient paroxystiques, bien souvent. Il riait très fort, et puis il pleurait très fort. Et puis, tout ça n'était pas culturel. Façonné. Donc pour l'historien des sensibilités, c'est une matière incroyable. Hein, et il y a des sources pour cela. Oui, parce que les sources sont essentielles. Et c'est vrai que dans l'histoire des sensibilités, qu'est-ce que nos ancêtres pouvaient sentir, voir, toucher? Comment ressentaient-ils par leur corps leur environnement? Ce sont des questions difficiles. Nous pouvons citer l'historien Alain Corbin, évidemment, qui lui a choisi un personnage au hasard, Pinago, et il a développé donc cet homme au 19e siècle, que pouvait-il voir, sentir, et c'est formidable. Mais vous, Hervé Mazurel, là vous avez un autre cas, et vous l'avez bien dit, complètement en marge, l'enfant sauvage, mais avec des sources. Ces sources sont essentielles, ces sources nous parlent de l'enfant sauvage, mais elles nous parlent surtout de ceux qui les ont produites. Bien sûr, alors... Je suis heureux que vous me parliez d'Alain Corbin. Je suis un de ses tout derniers élèves et j'ai une fascination et une admiration sans borne pour son œuvre et notamment pour son Pinago. Et donc, moi, je cherchais aussi un cas hein, situé un peu de mon côté entre la micro-histoire, c'est-à-dire regarder à la loupe le destin d'un homme, hein, et puis entre le cas psychanalytique aussi, puisque j'essaye d'ouvrir un dialogue avec les interprétations psychanalytiques du cas Kasparov. Et puis ensuite, les sources. Alors les sources, ce qui est très troublant dans cette histoire, c'est que une grande partie des procès-verbaux, tous les débuts de l'enquête, hein, tous ces documents ont disparu en 1835, hein, de manière très étrange, mystérieuse. Et puis, les registres, il y a eu 50 registres, hein, il y a eu beaucoup de documents écrits après coup, les 50 registres qui existaient ont sombré dans les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc par contre, il y a encore quand même des facsimilés, des choses, etc. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup d'écrits hein, de ceux, des éducateurs, d'un pasteur qui a fait toute sa formation religieuse plus tard. Enfin, il y a beaucoup d'écrits autour, hein, des centaines de pages, et c'est surtout avec celle-là que je travaille. Mais il y a quand même, il y a une histoire fragmentaire, lacunaire, du fait de l'absence de sources suffisantes. Et puis il y a des sources formidables qui sont produites par Kaspar Hauser même. Je vous propose justement la lecture par Nathalie Canouille d'un poème écrit par Kaspar, un texte écrit par Kaspar. C'est en 1829 qu'il écrit ça. C'est ma première année que je salue aujourd'hui. Je remercie et d'amour me réjouis. De grandes misères et charges opprimées désormais, je jouis de ce dont mon cœur est charmé, et me sens à présent dans le bonheur confirmé. Dans ma première année, je me trouve maintenant, il y a beaucoup à faire, étonnamment, à écrire et à peindre, à calculer avec des nombres. Dieu veuille que je voie ce qui dans le monde advient, et me donne de lire ce qui dans les livres se tient, et de cultiver mon carré de jardin. Dieu me donnera la force, ainsi qu'aux jeunes gens, d'interroger les hommes intelligents. À présent, je dois me préparer à journellement progresser, un pas, sans être vraiment décisif, pourtant, me conduira vers mon souhaitable objectif. Nathalie Canouille qui nous lit un poème de Kaspar Hauser, un poème de 1829, Kaspar Hauser, Kaspar l'obscur ou l'enfant de la nuit, publié à la Découverte, c'est votre ouvrage Hervé Mazurel, avec dans ce poème un salut à sa première année. Il a surgit à Nuremberg en 1828, il écrit en 1829, et il dit c'est sa première année, cette idée de renaissance est essentielle. Il naît. Il naît, oui, il naît au monde une seconde fois, hein, si l'on peut dire. Je pense que ce poème n'a pas pu être écrit par lui seul. Hein, et c'est très difficile de savoir jusqu'où les précepteurs ont pu intervenir dans certains textes. Hein. Je pense que son premier précepteur, Georg Demeur, a quand même dû arranger un peu le poème en question. Même si, voilà, il a fait d'énormes progrès hein, en lecture, en écriture, durant sa première année. Mais celui qui va être capital ici, en effet, c'est son premier précepteur, Georg Demeur, qui est un précepteur chevronné, qui avait notamment enseigné aux enfants d'Hegel. Hegel l'avait pris comme précepteur de ses enfants. Voilà, c'est une figure très attachante, et surtout qui a su élargir lentement mais sûrement le rapport au monde de Kaspar. On l'entendait tout à l'heure dans le film d'Herzog, hein, c'est lui qu'on entend, Georg Demeur, et qui ce qui est très important, je pense, c'est qu'il a entouré Kaspar de beaucoup d'affection aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation d'amour et d'apprentissage. Hein, il est devenu son père nourricier aussi, hein, qui a facilité, je dirais, l'envie de Kaspar d'apprendre. Hein. Il s'est lancé, du jour au lendemain, il a arrêté de jouer, il a laissé ses jouets. Et il s'est mis, dans une espèce d'élan de savoir incroyable, à apprendre à écrire, à lire, à compter, à raconter. Et ça, c'est ce qui fait aussi la beauté de son. Là, c'est pas qu'une histoire tragique, c'est aussi un moment tout plein d'étonnement hein, à l'égard du monde. Et le film d'Herzog le rend très bien, ça. Cet étonnement abyssal qui est le sien. Il s'étonne de, mais d'où viennent les fruits? Qui est derrière les fruits? Il voulait pas croire. Il pensait toujours que les choses étaient, voilà, un jour il voit un arc-en-ciel, il ne voulait pas croire que c'était lié au soleil. Il y avait la main de quelqu'un derrière tout ça. Il faut imaginer hein, qu'il ne savait pas bien sûr ce qu'est une heure, ce qu'est une année, ce qu'est un mois. Il ne savait pas ce qu'était le nord, le sud, le haut, le bas. Voilà, il était totalement désorienté. Il ne faisait pas au début hein, la différence entre le rêve et la veille. Hein. Sa vie devait être une espèce de rêve permanent, prolongé, une continuité de songe. Il ne faisait pas la différence entre l'animé et l'inanimé, entre l'organique et l'inorganique. Il donnait à son cheval de bois, il donnait à manger, il était persuadé qu'il était, vivant. Un jour, il voit la statue du Christ dans une église. Et, libérez cet homme, vous ne pouvez pas continuer à le laisser souffrir comme il souffre. Hein, il voyait des statues dans la ville, il disait, mais c'est pas possible, que font-elles? Elles doivent se laver, elles sont sales. Il donnait une vie d'âme aux objets inanimés, comme il donnait une vie d'âme aux animaux, il était très proche de certains animaux, comme une vie d'âme aussi aux plantes, aux arbres, un arbre dont les feuilles bruissaient, pour lui c'était la voix de l'arbre, hein, il entendait la voix de l'arbre. Donc il avait un tout autre rapport aux non-humains, hein, aux êtres de ce qu'on appelle encore la nature. Voilà. Et ça le rend extrêmement touchant. C'est ce qui m'a peut-être le plus frappé, hein, c'est cet élan de savoir. Feuerbach disait, à un moment, il a voulu enfoncer les portes de la science. Voilà. Ça, c'est assez inouï. Et d'ailleurs, Hervé Mazurel, on ressent l'émotion que peut ressentir l'historien face à ce cas d'enfant sauvage, au sens où, à vous écouter, nous pouvons sortir de la contextualisation. 1828, bien sûr, mais dans tout ce que vous venez de dire, presque peu importe le moment. C'est ce qui est très étrange, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai normalement je le fais pas, hein, mais il y a des citations, les citations qui ouvrent les chapitres sont prises à des époques différentes, Yourcenar, Borges, etc. Parce qu'il y a là un cas qui n'a pas d'époque. C'est un homme d'une certaine manière, c'est un cas absolument rarissime, sinon le seul, hein, qui un homme sans époque, parce que il n'est pas rattaché à son temps, il n'est pas rattaché à une génération. C'est un homme qui, du fait de sa longue séquestration, du fait qu'il a été coupé de tout l'acquis des générations antérieures, qu'il n'a pas reçu tout cela en héritage, il est sans lien à son temps. Il aurait pu naître un siècle plus tôt, un siècle plus tard. Par contre, il n'aurait pas été sans doute accueilli de la même façon. S'il est reçu avec tant de curiosité, alors c'est aussi parce qu'on continue d'avoir de la curiosité pour les enfants sauvages, qui est très fort au moment de la fin du XVIIIe siècle, avec Victor de l'Aveyron notamment, mais c'est aussi que monte ce que Alain Corbin appelle les exigences de l'âme sensible, hein, l'humanitarisme naissant, la philanthropie, les philanthropographes en cœur et tout ça. Et du coup, la trajectoire de Caspar Hauser émeut hein, toute l'Europe. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il surgissait aujourd'hui, à mon avis, il serait plus vite rangé derrière la catégorie d'autisme, ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, je peux y revenir, hein, mais parce que je pense d'abord parce qu'il avait un lien très fort aux autres, hein, le goût des autres et de la rencontre, ce qu'on appelle les autistes n'ont pas. Généralement, ils sont plus en retrait, dans la méfiance. Je ne crois pas non plus au plaquage de catégories psychiatriques dans le passé, catégorie anachronique, hein, et du coup, voilà, Caspar a ce lien, hein, extrêmement fort aux autres, hein, et qui le lance dans le monde. Hein, oui. Et puis c'est vrai qu'il nous lance à nous-mêmes des perches sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Alors oui, bien sûr, lui, il apparaît en 1828, mais son rapport, vous évoquiez aux arbres, à la parole des arbres, parce que le vent est là dans les feuilles, est quelque chose qui nous trouble, et qui trouble dès lors les artistes. Hein. Hervé Mazurel l'avait dit en exergue de chaque chapitre, il y a Yourcenar, il y a Borges. Et puis, évidemment, littérature et Caspar Hauser, il y a Verlaine. Mais Verlaine, ce matin, dans le cours de l'histoire, c'est Georges Moustaki. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Tant un souffle nouveau sous le nom d'amoureuse flamme m'a fait trouver belles les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Et sans roi, et très brave ne l'étant guère, je J'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Qui chante Caspar, poème de Paul Verlaine dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Éric Lancien avec aujourd'hui à la technique Julien Calvas. Et aujourd'hui dans Le cours de l'histoire, nous sommes avec un enfant sauvage. Mais non, Hervé Mazurel, ce n'est pas vous l'enfant sauvage, c'est Caspar Hauser. Vous êtes l'historien qui avait étudié ce cas Caspar, l'obscur ou l'enfant de la nuit, la découverte, édite cet ouvrage, qui est une démarche intéressante, nous l'avons compris. Un enfant sauvage qui apparaît 1828, une existence très courte, qui se fait assassiner en plus, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour un fait divers. Mais pour l'historien des sensibilités que vous êtes, il y a autre chose à tirer de cette affaire, de cette histoire, de ce fait divers. C'est déjà le regard porté sur cet enfant. Un, l'éducation. On sent que c'est quelque chose d'essentiel. Et nous sentons que au 19e, il y a un rapport tout autre à l'éducation. Ça y est, le siècle des Lumières est passé et c'est une évidence, il faut éduquer l'enfant. C'est ce qui a aussi fasciné François Truffaut quand il avait fait son film sur un autre enfant sauvage. C'était Victor de l'Aveyron, cet autre enfant sauvage. Cette notion d'éducation, c'est le 19e siècle. Oui, oui, il y a une attention extrêmement forte. Et Georg Dommer, son livre de chevet, c'est l'Émile de Rousseau, et donc il va prendre une partie de son modèle éducatif dans l'Émile. Alors il y a des tensions néanmoins en Allemagne à l'époque sur les manières d'éduquer Caspar Hauser, et c'est pour ça qu'à un moment on a cherché à arracher Caspar Hauser à Georg Dommer, parce qu'il y a une tension qui est aussi une tension politique en Allemagne à cette époque-là entre deux courants, le courant humaniste, néo-humaniste, les gens qui ont accueilli Caspar dans la première partie de sa vie viennent de cette bourgeoisie libérale, cultivée, diplômée, et qui était très influencée par l'idéal des Lumières, par la formation de l'enfant qui le tourne vers le libre arbitre, la capacité d'abstraction. C'est ce qu'on appelle le néo-humanisme, qui a notamment créé des réformes très importantes dans l'université allemande en 1809, les réformes d'Humboldt. Et c'est donc, au départ, il tombe dans ce monde-là, dans un monde du coup plutôt libéral, plutôt républicain, plutôt à tendance athée, même si le mot n'est pas employé à l'époque. Et puis, dans la deuxième partie de sa vie, après la première tentative d'assassinat et un peu plus tard, on va le mettre dans les mains d'un autre précepteur qui lui vient d'une toute autre mouvance, qui est très très croyant, qui est un pédagogue très rigoriste d'une certaine manière, beaucoup plus soupçonneux à l'égard de Caspar, et qui lui est lié à une tradition éducative plus réactionnaire, mais qui ça sert à rien de former un individu avec des idées abstraites. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait un métier, donc il faut des apprentissages mécaniques, il faut lui faire apprendre par cœur les choses. Voilà, il faut une formation beaucoup plus concrète. Ça sert à rien de lui apprendre le latin. On le tourne vers vers un métier, en somme. Et Caspar Hauser vivra beaucoup plus mal ce second moment-là, auprès de ce précepteur-là. Mais il avait vraiment vécu dans sa chair, en quelque sorte, cette tension, à la fois sociale et politique, qui existait en Allemagne entre ces deux traditions culturelles, éducatives et politiques. Alors, c'est pas seulement lié à ça, mais il va perdre cet élan pour le savoir. Et puis, il le perd aussi parce que autant ses progrès ont été très rapides au début, autant tout d'un coup il se heurte à un plafond de verre. Donc ça va être un moment de rendement décroissant. Il y a mis tellement d'élan, tellement d'énergie qu'il sera épuisé aussi à un moment par tout cela. Et puis il va perdre ce qu'il avait appris, il le perd quelque peu. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des fenêtres d'opportunité pour apprendre le langage, pour apprendre l'écriture. Il y a des fonctions qu'on peut apprendre jusque très tard. Et puis il y a des fenêtres d'opportunité qui se referme. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle l'horloge du développement affectif cognitif, hein, et c'est lié à la plasticité du cerveau, et donc il y a certains retards qui sont définitifs. Et ça, c'était très fort pour Victor de Laveyron que vous évoquiez tout à l'heure, parce que Victor de Laveyron, à contrario de Caspar Hauser, n'a pas vraiment réussi à parler, à apprendre le langage. Alors, à partir du moment où on n'arrive pas à, en quelque sorte, à assimiler le langage, le développement de la pensée n'est pas possible, en quelque sorte. Alors que Caspar, lui, il a quand même fait un grand pas, hein, dans la récupération, hein, ce destin qui a été coupé en deux. Il a vraiment beaucoup appris, hein, mais à un moment, lui aussi, il s'est heurté à ses limites, et ça a créé chez lui une frustration très intense. Voilà. Et puis une perte d'élan, du coup. Voilà, pour la connaissance et pour les sciences, qu'il avait vraiment au début très vif. Hervé Mazurel, dans votre Caspar l'Obscur, justement, vous étudiez ce cas, cet objet historique, avec plusieurs regards d'historien, et vous n'hésitez pas à faire intervenir la psychanalyse au sens où vous avez énormément de sources. Psychanalyse n'existait pas, hein, dans ces années 1820-1830, ça n'existait pas. Et pourtant, les sources produites permettent de réfléchir avec d'autres grilles de lecture, parce que la question qui se pose avec cet enfant sauvage, c'est celui de l'homme en société. Une question, alors là, qui transcende les siècles. Je vous propose d'écouter Françoise Dolto, pédiatre psychanalyste. Françoise Dolto, qui avait connu un grand succès sur France Inter, c'était l'émission Quand l'enfant paraît, dès 1976, une série magnifique, et Françoise Dolto évoque l'importance de la famille, de l'enfance, de l'histoire dans la construction d'un enfant. C'est très important la grand-mère, et c'est très important que l'enfant, très tôt, sache comment elle s'appelle. Qu'on ne dise pas mamie à n'importe quelle vieille dame, ni le même nom mamie, sans dire le nom de famille, à la grand-mère paternelle, à la grand-mère maternelle. Et que tu sais, mamie qui vient, c'est la maman de papa. Mamie qui vient, c'est la maman de maman. Alors très vite, c'est très très vite, le sens, je vais dire un mot difficile, le sens génétique, le sens de la lignée, le sens des ancêtres, naît très vite chez l'enfant quand il lui est donné très tôt dans des paroles. L'enfant comprend très vite. Puis alors une grand-mère, ça peut montrer des photos. Ça peut parler du passé du papa, du passé de la maman. Ça intéresse beaucoup un enfant. Dès l'âge de 3 ans, 4 ans, c'est une révélation que le père a été un enfant, que la mère a été une enfant. Il n'y a que la grand-mère qui puisse dire ça. Les papas, ils restent avec leur prestige d'adulte. Mais les grands-mères, elles peuvent en parler et ça aide beaucoup l'enfant. Sublime Françoise Dolto dans l'émission Quand l'enfant paraît, répondait à des questions d'auditeurs. Et c'est d'une intelligence incroyable ce que dit Françoise Dolto. Et c'est dit avec un ton extrêmement simple. Mais ce n'est pas si évident que ça. Et c'est un peu le cas, Hervé Mazurel, avec l'enfant sauvage. Il y a toute la question, sans éducation, qui sommes-nous dans la société? Et nous le voyons bien, Caspar manque de tous ses repères. C'est compliqué de s'insérer. C'est un très beau passage, hein, que vous avez choisi. Il y a une scène assez très très poignante où Caspar Hauser, chez les Dahmer, qui va devenir sa famille d'adoption, la famille de son précepteur, il va se lier notamment beaucoup à sa mère, comprend tout d'un coup ce que sont les liens de la famille, hein, et voit donc ce qui lui a manqué. Il a un moment de tristesse très profonde. Voilà. Et en effet, ça a été très compliqué pour lui, puisqu'il n'avait pas du coup de père, de mère, rien, il n'y a pas d'ascendance. Et petit à petit, du coup, on l'a poussé à écrire son histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, Caspar Hauser écrivait son histoire à la troisième personne. Hein, il n'était pas du tout... il se vivait à la troisième personne. Hein, et puis petit à petit, à force d'écrire sur lui, c'est-à-dire qu'il a commencé à comprendre, il a commencé à faire de l'introspection. Personne ne lui avait jamais dit « connais-toi toi-même » au début, voilà, il ne passait pas à la confession. Hein, donc il va, en écrivant petit à petit, devenir un sujet, une conscience. Il avait toujours vécu dans l'inconscience de soi et des autres, et tout d'un coup il devient un sujet. Et à la fin de sa vie, il écrit à la première personne. Et il est capable de raconter son histoire. Et ça, c'est très important, hein, cette mise en récit de lui-même qui le fait advenir à la conscience d'un sujet. Hein, et voilà, et l'éducation évidemment va être très importante ensuite, tout autour, l'éducation dans cette famille proche pour apprendre les codes de comportement, les codes de politesse, les rituels de salutation, les manières de se tenir à bonne distance des gens, parce qu'il avait évidemment aucun, ne savait rien de ça, les manières de table, tout un tas de choses qui vont peut-être, et ça il va apprendre assez vite, hein, mais dans un univers particulier, hein, dans le corset de la vie bourgeoise de Nuremberg et artistique de Nuremberg, hein, mais il va apprendre à se comporter à peu près normalement. Il va avoir une vie sociale et amicale assez développée, mais néanmoins, hein, il n'arrivera jamais à effacer cette espèce de trou noir dans sa vie. Et donc, il sera toujours dérangeant quand même pour ses contemporains. Hein. Il leur posera des questions saugrenues, ingénues, étranges. Et donc, il obligera sans arrêt ceux qui sont autour de lui à justifier leur conduite, à justifier leurs croyances, leurs valeurs. Voilà. Et donc, il, en quelque sorte, c'est un miroir de la société environnante. Il nous sert de miroir. Hein. Il montre tout ce qui allait de soi, ce qui ne se disait pas, tout le non-dit hein, voilà, de la vie qui, comme elle va au quotidien. Et donc, pour un historien, c'est fascinant parce que du coup, il reflète hein, tout le monde qui l'entoure, il en donne une image exotique en quelque sorte. Hein. C'est un, ce que je dis souvent, c'est Caspar Hauser, c'est l'étrangement fait homme, c'est quelqu'un qui dépayse, qui exotise, qui défamiliarise, hein, qui rend le familier étranger à nouveau. Hein. Ben, Hervé Mazurel, c'est une belle réponse d'historien parce que vous l'avez commencé factuellement avec du document en expliquant ce qu'il faisait et vous en tirez une analyse qui, elle, va plus loin avec toute cette réflexion. Alors, bien sûr, l'on peut évoquer la psychanalyse. Ce que ne pouvaient pas faire ceux qui observaient ces enfants sauvages, je vous propose d'écouter ce que disait le docteur Itard. Alors là, nous sommes un petit peu avant le cas Caspar Hauser, nous sommes au début du 19e siècle et nous sommes surtout en France. C'est Victor de l'Aveyron, cet enfant sauvage. Écoutons le docteur Itard. C'est une lecture qui a eu lieu dans Les Chemins de la Connaissance, émission sur France Culture en avril 2006. Un matin qu'il tombait abondamment de la neige et qu'il était encore couché, il pousse un cri de joie en s'éveillant, quitte le lit, court à la fenêtre, puis à la porte, va, vient avec impatience de l'une à l'autre, s'échappe à moitié habillé et gagne le jardin. Là, faisant éclater sa joie par les cris les plus perçants, il court, se roule dans la neige et la ramassant par poignées s'en repaît avec une incroyable avidité. Mais ce n'était pas toujours d'une manière aussi vive et aussi bruyante que se manifestaient ses sensations à la vue de ces grands effets de la nature. Il est digne de remarquer que dans certains cas, elle paraissait emprunter l'expression calme du regret et de la mélancolie. La mélancolie, ça c'est un mot très 19e siècle, c'est ce que disait le docteur Itard, celui qui a étudié cet enfant qu'il avait sous les yeux, Victor de l'Aveyron. Hervé Mazurel, quand vous avez accès à toutes ces sources, alors là vous avez regardé évidemment ce qui se passait pour le cas Victor de l'Aveyron, un petit enfant sauvage français, et encore plus pour le cas de Caspar Hauser, tous ces gens qui l'observaient, vous trouvez qu'il y avait un regard sérieux, intelligent? Il y a eu cette impression-là quand on vous lit, on faisait avec ce qu'on avait à ce moment-là, mais c'est très sérieux. Très sérieux, et moi j'ai été très frappé par la perspicacité des remarques d'un Georg Demeur, et peut-être plus encore de celle d'Anselm von Feuerbach, le criminaliste dont je parlais tout à l'heure. Son livre est une mine d'informations inouïes, et il a très bien saisi ce à quoi il avait affaire, je crois. Et c'est vraiment, et c'est ce livre d'ailleurs de Feuerbach qui m'a donné, avec le film d'Herzog, qui m'a vraiment donné envie de m'occuper de ce cas. Et ce que c'est très intéressant d'entendre ces phrases d'Itard, parce qu'il y a une grande polémique qui a surgi autour de Victor de l'Aveyron, hein, entre Philippe Pinel, le grand aliéniste, qui était d'ailleurs proche d'Itard, mais qui lui a considéré qu'il avait face à lui un idiot congénital, en quelque sorte, et qu'il lui rappelait ses aliénés. Hein, voilà. Alors que Itard, lui, a pensé que, à l'inverse, s'il était idiot, s'il était pauvre en monde, en quelque sorte, ce Victor de l'Aveyron, c'est parce qu'il lui avait manqué toute l'éducation, ce milieu, un milieu d'inscription, en quelque sorte, et que c'est une conséquence, ça n'est pas le point de départ. Et cette controverse, elle va très loin, puisque vous la retrouvez encore, par exemple, entre Merleau-Ponty et Lévi-Strauss. Lévi-Strauss considère les enfants sauvages comme des idiots congénitaux, il évacue la question dès l'introduction de la structure de la parenté, à un moment où il s'intéresse justement à la question du rapport entre l'inné et l'acquis, la nature et la culture, l'articulation de la nature et la culture. Et Merleau-Ponty, au contraire, dit là encore, hein, ils sont les produits d'une expérience extrêmement désocialisante, et c'est ça qui les appauvrit terriblement, et qui font qu'ils paraissent des idiots, hein, mais en réalité, hein, on peut les rééduquer encore, et la preuve, une des preuves que ce sont des gens normaux, hein, c'est qu'ils ont réussi à s'en sortir dans des conditions extrêmes, parfois, à Victor de l'Aveyron, je pense aussi à Marie-Angélique Leblanc, la fille de Songy, qui était découverte au XVIIIe siècle, en pleine forêt. Ils se sont débrouillés avec ce qui était à leur disposition dans la nature pour survivre. Et donc, ça signifie qu'ils avaient une capacité à vivre beaucoup plus grande qu'on ne le pense souvent. Et puis ces enfants sauvages que vous évoquez, que ce soit Victor de l'Aveyron, que ce soit Gaspard Hauser, au 19e siècle, évoquent aussi la peur de vivre hors de société. C'est aussi pour ça qu'ils intriguent beaucoup. Et on les craint et on les admire, mais ils ont réussi à vivre sans la société. Ça fait peur, hein ? Oui, oui, bien sûr. C'est cette vieille question là que vous l'évoquiez tout à l'heure. Jusqu'où l'être humain est-il par nature fait pour vivre en société ? C'est une question qui remonte à l'âge grec, mais qui a été revitalisée par Rousseau. Et puis ce qu'on craint beaucoup dans les enfants sauvages, c'est ces frontières entre l'animalité et l'humanité, hein, ces frontières troubles, c'est des figures à la fois méconnaissables, les enfants sauvages, et en même temps par trop reconnaissables, au sens voilà, l'animalité en l'homme, c'est une question très troublante pour l'époque, hein, surtout que c'est avant Darwin, donc on cherche justement à retrouver le propre de l'homme, hein, et à repousser justement les frontières qui séparent l'animal de l'homme, hein, donc c'est une question très angoissante, hein, pour ce temps-là. Et c'est pour ça que votre ouvrage, Hervé Mazurel, rassure en quelque sorte, au sens où déjà vous racontez l'histoire de ce Gaspard Hauser, vous donnez un élément de réponse, qui est-il, d'où venait-il, ce qui n'est absolument pas rien. Et puis surtout cette démarche d'historien des sensibilités, qu'est-ce qu'il nous apprend à nous aujourd'hui ? Gaspard, l'obscur ou l'enfant de la nuit, c'est édité par La Découverte. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Hervé Mazurel. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, il faut ranger sa chambre. Oui, les objets déferlent dans l'histoire et c'est tant mieux. La breaking news de la semaine nous est annoncée par le quotidien néerlandais NRC Under the Blatt. Reprise par le Courrier International et Vanity Fair, c'est dire, attention, cette année, le roi et la reine des Pays-Bas ne se sont pas rendus en carrosse au Binnenhof de La Haye pour ouvrir la session parlementaire comme à leur habitude. Il faut dire que la voiture et son attelage de 8 chevaux font polémique depuis plusieurs années. Pas du tout parce que se déplacer dans un habitacle orné d'arabesques et de sculptures, recouvert de feuilles d'or, son intérieur brodé de soie, entouré de serviteurs en livrée, nous paraissent légèrement surannés. Non, le problème s'expose sur les côtés de la cabine, où se trouve une peinture représentant des hommes africains et indonésiens à moitié nus, se soumettant à l'allégorie de la nation néerlandaise à qui ils offrent des présents. Une scène de soumission à la colonisation est le symbole d'une fierté coloniale, d'un usage plus que délicat, de l'aveu même de la monarchie néerlandaise depuis qu'en mars dernier, le roi a demandé pardon à l'Indonésie, colonie des Pays-Bas pendant 150 ans, pour les violences commises par l'armée au cours de la guerre d'indépendance entre 1945 et 1949. Un conflit qui avait fait 100 000 morts du côté indonésien. Ce sulfureux Gouden Koets, ou carrosse d'or, sera désormais exposé dans un musée d'Amsterdam en attendant que le roi ne statue définitivement sur son sort. Pour l'heure, le roi et la reine des Pays-Bas devront se contenter du carrosse de verre du roi Willem Ier, à défaut de prendre un taxi. L'objet du délit est désormais classé au titre de l'histoire sombre du pays. What's become very, very clear, I think, is that the kind of history that you tell through things is very different from the kind of history you tell through texts. Ce que vous entendez là, c'est Neil MacGregor, ancien directeur du British Museum à Londres, qui a lancé avec la BBC en 2010 une série radiophonique sur 100 objets issus des collections du musée pour raconter l'histoire du monde de la préhistoire à nos jours. L'initiative est un succès et donne lieu à une exposition itinérante, plusieurs livres, même un jeu vidéo, accompagné d'une plateforme participative aujourd'hui fermée, sur laquelle tout un chacun pouvait proposer l'objet qui disait son histoire du monde. Mais l'histoire coloniale pesait lourd là aussi, car si toutes ces déclinaisons du projet étaient d'une qualité incontestable, par un heureux hasard, l'idée opportune était aussi née au moment où se multipliaient les demandes de restitution adressées à l'institution. Cette série permettait, au bon moment, de démontrer la vocation universaliste contestée du British Museum en déployant ses capacités de rayonnement et de mise en valeur sans équivalent. Depuis, l'histoire de notre culture matérielle a fait des émules en décolonisant encore davantage son impulsion pour questionner la dématérialisation de nos sociétés en pleine révolution virtuelle. Nous vivons dans un monde qui est beau, qui nous parle d'une manière très forte. La beauté d'une voiture ou d'un meuble, nous sentons tout de suite qu'elle contient beaucoup plus de choses que la simple beauté. Il nous semble qu'elle détient une sorte de secret, qu'elle nous offre un véritable art de vivre. Que tout ce qui nous est donné à voir, c'est beaucoup plus de choses que la beauté. C'est de l'argent, c'est du confort, c'est du bonheur, c'est presque une certaine forme d'idéal. Si les objets ont incarné une certaine idée du bonheur au plus fort de la société de consommation, comme l'analysait tristement Georges Perec en 1965, ils portent en eux la possibilité d'une histoire qui embrasserait l'humanité comme jamais. C'est le propos de l'ouvrage collectif dirigé par Pierre Sangaravelou et Sylvain Venère, Le magasin du monde, la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours. Des coquillages à la bouteille en plastique, en passant par la laisse ou le divan, le collectif propose par les objets une histoire de l'expérience humaine sans distinction de classe, capable de raconter toutes les sociétés, avec ou sans écriture, dans leurs pratiques, leurs usages et leur circulation, dans leur vie tout simplement. Le magasin du monde, la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours. Nous allons en parler très bientôt dans le cours de l'histoire. En tout cas, merci beaucoup Anaïs Kien d'avoir évoqué tous ces objets. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr. Hervé Mazurel, dans l'ouvrage de Pierre Sangaravelou et Sylvain Venère, Le magasin du monde, la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, le divan, c'est vous qui l'avez écrit. Pourquoi le divan? Parce qu'en fait, j'ai commencé mon travail sur l'orientalisme, hein, quand j'étais en thèse notamment, et puis aujourd'hui, voilà, je prépare un livre qui va paraître bientôt sur les rapports entre histoire et psychanalyse. Donc, en fait, et Pierre Sangaravelou et Sylvain Venère ont créé le lien. Voilà, le divan, ça ne peut être que toi, puisque voilà, c'est la trajectoire de ta recherche. Et donc voilà, toute la scène commence évidemment par la description du divan freudien, et puis ensuite je déroule son histoire. Voilà, c'est une phrase que l'on prononce pas souvent dans une vie, mais le divan, ce ne peut être que toi. Merci Hervé Mazurel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins. Une émission programmée par Mywen Gizyou, à retrouver sur le site internet franceculture.fr ou bien en balado-diffusion pour le podcast. Une émission à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, il était question de l'enfant sauvage et un commentaire troublant et instructif. J'aime beaucoup. Demain, nous rendons hommage à l'historien Dominique Khalifa qui nous a quittés. Oui, nous allons parler de son œuvre, des bas-fonds, des imaginaires sociaux aussi, oui, et de Fantomas.